Kawet Thériault et Associés, c'est Sénat d'Aigreffe de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Janton, profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappelle d'être prudent en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appartage, contactez le 418-2478 ou encore le 275-5151. Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de Construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellet se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Dan. Un monument du journaliste dans la région a pris sa retraite au cours des derniers jours. C'est Serge Gémond avec la période des fêtes. Serge Gémond qui a été pendant plusieurs années, vous avez lu dans le journal Le Quotidien, a décidé de tirer un trait sur sa carrière. Question un peu de parler un peu de sa carrière. On lui parle. Salut Serge. Salut Denis, ça va? Oui, ça va bien. Serge, effectivement, comment on se sent à la retraite? Correct. Très relax, très serein. Je te dirais que c'est pas une décision que tu prends sur un coup de tête. C'est quelque chose que tu réfléchis longtemps. C'est que j'ai longtemps pesé les pour et le contre. Et je suis bien à l'aise avec ma décision, c'est bien correct. OK. As-tu quelque chose de prévu? As-tu quelque chose de prévu pour ta retraite? Non? Non, absolument rien. Ce qui est prévu en ce moment pour moi, là, c'est faire du ski, puis jouer au hockey, puis prendre soin de moi jusqu'à la fin d'hiver, puis quand le printemps va arriver, ça va être faire du vélo, jouer au golf, puis prendre soin de moi jusqu'à la fin de l'automne. Après ça, je verrai. Mais comme je te dis, j'ai vraiment rien de planifié. J'ai pas l'intention de retravailler d'une façon systématique, là, avec des horaires réguliers, puis des choses du genre. Ça, mon bout est fait. T'as commencé à quelle année? Au début des années 80. En 80 ou 81, faut que je ressorte mes chiffres, je suis pas sûr. Je pense en 81. Dans le temps que chez les Saguenayens, là, les joueurs les plus connus étaient Normand Léveillé, puis Luc Dufour, puis Roberto Lavoie. C'est dans ces années-là. Vraiment au début des années 80. OK. Donc, dans ce temps-là, évidemment, chez les Saguenayens, c'était vraiment là. Écoute, Roberto Lavoie, tu me parles, Patrick Aymon également. C'est plus tard, ça. Patrick Aymon, c'est plus tard. Ouais, c'est un petit peu plus tard. Un peu, ouais. Mais tu parles de Luc Dufour et Normand Léveillé. C'était vraiment, avec Sylvain Longca, c'était les premières, vraiment, là, les premières grandes vedettes des Saguenayens, là. Oui, effectivement. L'équipe avait quoi, 8-9 ans dans ce temps-là? Parce que l'équipe est née en 73, si je me souviens bien. Mm. Fait que l'équipe avait à peu près 8 ans. Effectivement, ça faisait partie des premières vedettes de l'équipe, de l'histoire de l'équipe. OK. Ça a bien changé, hein? Oh, ben, comme tout a changé. Évidemment, le journalisme a changé, le junior a changé, le sport a changé, les athlètes ont changé. Tout a changé, là, ça c'est correct. Oui, effectivement. L'arrivée de l'Internet a bouleversé aussi. Là. La manière de faire du journaliste, la manière de faire... Oui, c'est rendu que maintenant, tout le monde peut mettre sur... sais, tu vas entendre une chose, là, le n'importe qui va entendre quelque chose sur la rue, il va pouvoir le mettre sur Internet dans la seconde qui suit. Mm. C'est ça que je trouve un peu difficile maintenant, c'est que moi quand j'ai appris à faire du journalisme, on nous montrait à vérifier ce qu'on apprenait avant de l'écrire. Mm. Et là, j'ai l'impression que maintenant, on sort la nouvelle, après ça, on vérifie. Et moi, on me disait tout le temps... Deux sources, ça prenait deux sources, c'est ça le... Ça te prend deux sources avant de sortir ton histoire. Ouais. Et à cette heure-là, c'est pas ça. Là. Tu vois que ça sort tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur tout. Là. Puis ouais. Même les autres... tous les médias maintenant, leur site Internet, tout, ça, il faut que ça soit le plus vite possible. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Je trouve que ça va trop vite maintenant. Puis je sais pas vraiment ce à quoi j'étais habitué. Je parlais avec Bertrand Raymond au lancement de son livre. Puis Bertrand Raymond, c'est ça qu'il me disait. Bertrand a fait 50 ans de carrière journaliste. Il en fait encore un peu sur RDS.ca. Puis il me disait ça. C'était ça qui a probablement été le plus. Qu'il trouvait le plus dur, les médias sociaux. Oh, ouais, c'est pas évident. Tu sais, ça change toute la. Excuse l'expression, mais ça change toute la game. Tu sais, faut que tu réalises que ça va vite. Puis que. Faut que tu t'adaptes, t'as pas le choix. Parce que. C'est de même que ça avance. Tu sais, moi, je peux te dire, je trouve que ça va trop vite. Mais je peux pas te dire, on va vivre encore comme dans les années 80. Ça marche pas, là. On a avancé, puis on s'est développé, pour le bien ou pour le moins bien, c'est à chacun de décider. Mais on est rendu là, on peut pas reculer. Enfin, mais c'est ça que c'est ça que c'est une, ouais. C'est, pour les gens qui ont vécu les années 80 sur les 10, c'est toute une adaptation. Ben, c'est pas fait d'un jour au lendemain, c'est fait progressivement, mais c'est quand même juste une adaptation. Ben écoute, les années 80, je parle pour la radio, il y avait plusieurs journalistes à la radio, des salles de presse. Là, maintenant, vous en avez pas mal moins. Là. T'sais, quoi qu'au quotidien, c'est quand même pas pire. Dave Hensley là, Jonathan Hudon, Joanne Saint-Pierre. Sauf que c'est encore plus que ça dans le temps, là. Il faut comprendre que Jonathan, il travaille à temps partiel. Jonathan, il remplace. Fait qu'en fait, ce qui reste maintenant au sport, au quotidien puis au progrès, c'est deux personnes, Dave et Joanne. Dans le temps, là, que, drôle d'expression, j'aime pas ça l'utiliser, mais j'ai vu jusqu'à 6-7 personnes au sport, moi, parce que dans le temps, il y avait un progrès dimanche qui avait 200 quelques pages, puis qui avait 40 pages de sport. Il y avait deux ou trois personnes au progrès dimanche, puis il y avait trois ou quatre personnes au quotidien qui travaillaient au niveau du sport. Mais ça, ça fait longtemps, là, puis les choses ont bien changé. T'as plus besoin d'autant de personnes. C'est un peu bizarre parce que, tu sais, il n'y a jamais eu autant de disciplines sportives puis autant de variétés. Mais maintenant, on a plus les journaux pour, puis on a plus les budgets pour permettre d'avoir autant de journalistes qu'on avait dans le temps. Ah, c'est clair. Ton plus gros souvenir ou ton plus gros scoop? Mon plus gros scoop. Moi, je te dirais que le scoop qui a eu le plus. Je te dirais pas le plus gros. Ouais, peut-être. Le scoop qui a eu la plus grosse conséquence, c'est le jour où j'ai appris que les propriétaires des Saguenayens étaient en train de vendre l'équipe pour la déménager à l'extérieur. Tu parles de Mathieu Benoît, là. Tu parles de l'époque de... Non, je ne te parle pas des joueurs, je te parle de l'équipe. Ah oui, c'est déjà arrivé, ça, je ne sais pas, c'est en quelle année, c'est en montant à quelle, ça? Ça fait longtemps, ça fait plus de 25 ans. OK. Les propriétaires de l'équipe avaient entamé des discussions pour vendre l'équipe, puis l'équipe, elle s'en allait. Ah oui? OK, je savais pas cette histoire-là. Moi, je l'ai su, je l'ai sorti, ça a tout brisé les plans, puis finalement, l'équipe est restée à Chicoutimi. Fait que ça, c'est... Ça fait combien de temps dans le temps? Oh, je me souviens même pas. Ça fait tellement longtemps. OK. Ça fait tellement longtemps. Je vais pas rebrasser ça. En plus, là, tu me demandes ça de même, je sais pas. Je me souviens pas. Ça, c'est après cette famille ici, ça? Ah, c'était... Oh, mon Seigneur. Je te dirais avant. Ah, oui. Avant Stéphane. Selon moi, c'était avant Stéphane Richer. Ça fait vraiment un bon bout. Ben, ça doit faire au début de l'existence, OK? Ah, ça doit faire à peu près 25 ans. Mais ça, c'est une nouvelle dont je suis... content parce qu'elle a aidé, elle a contribué à ce que l'équipe soit toujours ici maintenant. Ça, c'est une nouvelle de folle. Puis à un moment donné, j'avais sorti aussi que Wayne Gretzky s'en venait à Chicoutimi. Ça, j'étais bien content de mon histoire. OK. Puis ça, c'était quand, ça? Je veux dire, c'était avec les Oilers. Wayne Gretzky est venu dans les années 80. Il est venu faire un tour, il était venu faire... ça faisait partie d'une activité de promotion qui avait été organisée. Tu sais, il y a eu une couple d'années où on a eu des... Des matchs au concours au San Jose Vecina. Il y a eu des matchs au concours du Canadien, Saint-Georges. Oui, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a Gary Carter est venu, Paul Oliver est venu, Gretzky est venu. Tu sais, il y a eu des années où il y avait des genres d'activités de promotion avec des, probablement des, je me souviens plus tellement, c'était des compagnies où, peut-être fait les, en plus, probablement c'était organisé des expos pour les jours de baseball que je te parle. Ça, c'est des affaires qui étaient allées là. Ouais, on me demande souvent, ça fait 10 ans cette année dans le sport, quelle a été ta plus grosse entrevue que tu es le plus fier? Puis sans hésitation, c'est Alex Antopoulos, le directeur général des Blue Jays, à l'époque où il était encore en fonction avec les Blue Jays. Et j'avais fait deux entrevues avec lui, j'avais contact. Toi, c'est quoi ton entrevue la plus que tu te rappelles que tu es la plus fière? Je suis pas capable de te donner. Je suis pas capable de donner une entrevue plus qu'une autre qui m'a rendu fier. Vraiment, j'en ai trop fait. Je suis pas capable de te donner une personne plus qu'une autre qui m'a fait triper là, d'une façon extraordinaire. Là. OK. Serge, justement, voilà la pause. Puis je veux te demander, je vais te garder là, puis je veux te demander si comment tu vois l'avenir du journaliste là, avec le papier et ainsi de suite. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Serge Lemond sur le adamandusport.com. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise BR Métal, avec région. 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Dolbeau-Mistassini. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On est de retour à danradiosport.com avec Serge Lemond qui a pris sa retraite avec la période des fêtes. Serge, on sait qu'il y a eu... Il y a eu une nouvelle avant les fêtes qu'on va donner maintenant une subvention ou un prêt pour aider les journaux à passer à l'ère numérique. Et ça, écoute, il n'y a rien de garanti, la bagarre n'est pas gagnée. Tu sais, quand tu vois des journaux comme La Presse qui n'a plus de version papier, quand tu vois le Los Angeles Times, il y a eu des grands journaux aux États-Unis qui avaient beaucoup, beaucoup d'années d'existence qui n'existent plus. Comment tu vois l'avenir du papier? Tu avais raison, l'avenir n'est pas grand. La bataille est loin d'être grande. À un moment donné, on va en arriver à ce que le papier disparaisse, ça c'est évident. C'est quand, là, si j'avais le boule de cristal, je pourrais te le dire. J'ai aucune idée, ça va-tu être dans 2 ans, ça va-tu être dans 5 ans, dans 10 ans. À un moment donné, on va y arriver parce que, tu sais, par la force des choses, les habitudes des lecteurs, ils changent. Par exemple, moi, je suis un gars de 60 ans, je lis sur le papier. Mm. Mes filles, quand ils regardent quelque chose, ils ne regardent pas ça sur le journal, ils vont regarder ça sur leur tablette ou sur leur téléphone cellulaire. Ben, les enfants, les gens qui ont 20 ou 25 ans, ils sont à peu près tous comme ça. Fait, tantôt, c'est ces gens-là qui vont lire le journal, mais ils ne liront pas sur le papier parce qu'ils n'ont jamais pris l'habitude. de le lire sur papier. Fait que moi, à un moment donné, la transformation, elle va se faire. Le problème que tu as pour les journaux, c'est de faire suivre les annonceurs. Ben, c'est clair. Parce que si toi, tu as une entreprise, en ce moment, tu peux annoncer gratuitement sur Internet, à certains endroits. Fait que pourquoi tu irais... tu vas te dire, pourquoi moi, j'irais annoncer sur le site du journal ou de la station de TV ou whatever, et payer, alors que je peux le faire ailleurs gratuitement puis que je peux cibler ma clientèle. C'est ça qui est le défi, le gros défi des médias et particulièrement des journaux, c'est de réussir à attirer des annonceurs, à les amener sur leur site Internet. Tout ça, c'est une bataille qui va... une bataille, de façon de parler, là. C'est un dossier qui va... dont la survie des journaux dépend. Puis en fait, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement réussisse à aller chercher une taxe avec sur les sites Internet qui se servent des médias pour se nourrir. Puis ça, c'est important aussi. À un moment donné, c'est ça qui va... c'est là qui est le nerf de la guerre. Mais Serge, là-dessus, ce que je te dirais, c'est que même pour les annonceurs, c'est devenu de plus en plus difficile. Commerce au détail, là. Ah, c'est président, là. Tu sais, écoute, ils vivent quand même aussi la mondialisation avec les Amazon, les eBay, tout ce qui s'appelle commerce électronique. Donc, le commerce, je ne sais pas comment ça se coutume, mais ici, à Drobo-Sessigny, mettons que l'assiette publicitaire est beaucoup moins grosse et les commerçants également ont beaucoup moins d'argent également parce qu'eux vivent aussi de l'histoire d'Amazon. Ils vivent aussi. Ben, le problème, là, c'est qu'on voit à court terme. On voit pas plus loin que le bout de notre nez. On va aller sur Internet pour acheter quelque chose pour sauver 5$. Puis on pense pas que ce qu'on fait là, ce que le voisin va faire, ben, ça va faire fermer la business qui est à côté de chez vous tantôt. Parce que si tout le monde va sur Internet pour sauver 5$, ben le commerçant là, qui est à côté de chez vous, madame, il va mourir là, parce que il y a plus ta visite, il n'y a plus ta clientèle. Ben, tu sais, on pense pas. Oui, c'est le fun d'aller sur Internet puis sauver de l'argent, puis whatever, puis ça arrive par la balle, puis tu bouges pas de chez vous. Oui, c'est le fun. Mais madame, ça a des conséquences. Il faut être conscient de ça. Là. On va faire mourir des entreprises qui donne de l'emploi à des gens de chez nous, si on continue à faire ça. Tu sais, j'ai l'impression d'une sorte de cercle vicieux. Puis le commerçant, pour lui, on parlait tantôt des journaux, mais le commerçant, pour lui, c'est tout un défi de faire face à ça, puis de trouver comment attirer du monde dans sa business, comment attirer du monde sur son site Internet. C'est pas évident. Non, effectivement. Serge, je vais te donner une bonne retraite. Je sais que tu vas travailler pour les élites et faire du bénévolat. Est-ce qu'il y a un livre? Je sais que c'est pas nécessairement une question, ce serait plus un livre à vocation régionale, mais ça existe, des livres à vocation régionale. Est-ce qu'il y a un livre de ta carrière, ça pourrait être intéressant? C'est quelque chose que tu envisages? Je pense pas. Je pense pas que... Non, moi, je vais t'avouer que... Moi, je me suis toujours dit que ma job, c'était journaliste. Comme ça, le job, c'est mécanicien. Puis, j'en ai jamais fait. Je me suis jamais pensé meilleur qu'un autre. Non, différent. Je pense que ma job, c'était journaliste. Puis, je t'avoue, je suis un peu surpris des messages que je reçois, puis que je reçois depuis que j'ai annoncé que je m'en allais. Puis des entrevues que j'ai eues à faire. Je m'attendais pas à ça. Mais tu sais, je vois pas. Ça serait peut-être un trip personnel d'écrire un livre pour raconter ma carrière, entre guillemets. Ouais. Si un jour j'écris quelque chose, je suis pas sûr que ça va être sur mes années de service comme journaliste. Ça va être peut-être autre chose. Un sujet concret ou bien justement un roman juste pour le plaisir d'écrire. Parce que tu sais, parce que j'arrête de travailler dans un journal que j'aime pas écrire, j'aime encore écrire. J'ai pas l'intention de me garocher sur mon clavier tantôt. Mais plus tard, ça va arriver, là. Sous quelle forme ça va prendre, j'ai aucune idée. Je vais voir, comme je te disais tantôt, je suppose que je m'en vais. J'ai pas de plan précis. Je vais laisser aller les choses, puis à un moment donné, je me dis quelque chose qui va me frapper dans le front, puis ça va faire. OK. On se reparle peut-être un autre tantôt, Serge? Ça me fera toujours plaisir d'aller. Serge Gémond, journaliste au Journal Le Quotidien, qui a pris sa retraite à la période des fêtes.